Depuis des décennies, on entraîne des systèmes d'intelligence artificielle à apprendre. Apprendre à faire la différence entre un chat et un chien, à traduire un texte, ou encore à prédire le coût d'un trajet en taxi. Pourtant, entraîner une machine à apprendre en vérifier si elle fait ou non des erreurs, ou bien la laisser faire des erreurs jusqu'à ce qu'elle comprenne quelle est la bonne réponse, peut être chronophage et requiert une quantité de données souvent très importante. Dans ce contexte, une approche attire de plus en plus les regards, l'apprentissage auto-supervisé, une approche où le système d'intelligence artificielle apprend, pour le dire simplement, à remplir des trous. Apprentissage auto-supervisé IA au tableau, c'est le programme numérique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous expliquer ces techniques d'apprentissage auto-supervisé, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Michèle Sebag. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique et membre de l'Académie des technologies de Paris. Nous avons également le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui Yann Lequin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la New York University, directeur scientifique chargé de l'intelligence artificielle chez Meta, lauréat du prestigieux prix Turing 2018 et auteur chez Odile Jacob de Quand la machine apprend. Mais avant d'entamer et de lever le voile sur cette émission et cet apprentissage auto-supervisé, il est l'heure de retrouver celle qui chaque jour supervise votre apprentissage scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Advances in Atmospheric Sciences et la fonte record de la banquise autour de l'Antarctique. Il y a quelques semaines, dans ce journal, on vous annonçait des températures records en Antarctique, avec plus de 40 degrés au-dessus de la normale saisonnière. Alors cette étude concerne la glace de mer, c'est-à-dire la mer qui gèle, la banquise, autour de l'Antarctique. C'est quelque chose qui est très variable d'une année sur l'autre. Mais on avait l'impression, jusqu'en 2014, que cette glace de mer augmentait pendant l'été, d'un été à l'autre. Mais depuis 2014-2015, il semble y avoir une décrue. Cette année, au 25 février, on a atteint le minimum jamais observé pour la glace de mer en Antarctique, et ce, depuis le début des enregistrements en 1978. L'équipe chinoise qui s'est appuyée sur les données satellites tente dans ce papier de comprendre quelles sont les raisons d'une telle diminution. Cette fonte record serait liée à la thermodynamique. Catherine Ritz est glaciologue et directrice de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Il semble qu'il y a deux processus. L'un, c'est des flux de chaleur qui viennent des basses latitudes et qui ont fondu la glace. Et aussi le fait que cette glace s'est disloquée plus facilement, c'est-à-dire qu'elle a plus bougé, ce qui semble vouloir dire qu'elle était plus fine. En bougeant plus, en fait, elle va vers le nord, parce qu'elle n'a pas le choix, au sud, il y a le continent. Elle va vers le nord, elle se retrouve dans des plus basses latitudes où il fait plus chaud, et donc elle fond. Donc en fait, il y a, suivant les zones, c'est un processus ou l'autre processus qui est dominant. Ce que je voulais signaler surtout, c'est que cette étude se termine fin février 2022, c'est-à-dire avant l'énorme vague de chaleur qui s'est produite en Antarctique de l'Est. Après ce minimum de glace, il y a eu un épisode de très grande chaleur sur l'Antarctique de l'Est, quelque chose qui n'avait jamais été observé jusque-là. La glace de mer, c'est à la fois un indicateur de ce qui se passe, c'est-à-dire là, manifestement, de la chaleur, le fait qu'elle soit plus fine aussi, c'est un indicateur sans doute de température, et un acteur, parce que la glace de mer est couverte de neige, et cette neige a un albédo, c'est-à-dire une capacité à réfléchir les rayons du soleil très très forte, ce qui fait que quand la glace de mer diminue, il y a plus de chaleur qui est absorbée par l'océan, qui est découvert, et cette chaleur va réchauffer l'océan. Et ça, ça fait un cercle vicieux, ce qu'on appelle une rétroaction positive, qui est amplificatrice du phénomène. En glaciologie, et surtout autour des calottes glaciaires, les échelles de temps sont longues. Et du coup, on a toujours du mal à voir si c'est vraiment une tendance ou si c'est un phénomène qui va s'amplifier, qui va se reproduire dans les années qui viennent. Et enfin, un des endroits où la glace de mer a beaucoup diminué, c'est la mer d'Amundsen. C'est justement celle où il y a ces glaciers qui pourraient être sur le point de basculer vers une instabilité. Donc tout ce qui se passe dans cette région-là, peut-être que cette baisse de glace de mer signe un réchauffement océanique aussi. Et ça serait un risque de plus dans l'évolution du glacier Thwaites, de l'apocalypse par exemple. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans la revue Cancers présente une nouvelle méthode pour éradiquer le cancer du foie grâce à des ultrasons. Et des chercheurs américains ont testé cette technique sur 11 rats porteurs de tumeurs au foie. Le principe est celui de l'histotrispie, c'est-à-dire d'un transducteur à ultrasons qui cible les cellules cancéreuses qui vont être perturbées puis détruites par ces vibrations. 9 rats sur 11 ont bien supporté le traitement. 12 semaines plus tard, ils présentaient une régression tumorale sans métastase ni signe de récidive. De plus, le système immunitaire semble avoir été stimulé puisque l'on détecte aussi une augmentation de lymphocytes T. Ce traitement non-invasif est actuellement à l'essai chez l'être humain. Les premiers résultats de cet essai clinique sont attendus d'ici la mi-2023. En bref toujours, une étude parue dans la revue Emerging Infectious Diseases décrit la découverte d'un nouveau variant du virus Andra. Cet agent pathogène zoonotique peut se transmettre des chauves-souris aux chevaux, puis, rarement, des chevaux aux humains. Le taux de survie est faible et nous avons jusqu'à présent peu d'options thérapeutiques face à ce virus, ni aucune thérapie par anticorps. Des chercheurs australiens ont analysé plus de 6000 échantillons d'urine de renards volants à tête grise et noire, une espèce de chauve-souris australienne. 10 de ces échantillons présentaient un nouveau variant du virus Andra, baptisé FG2. Selon les auteurs, il pourrait déjà être répandu et les renards volants constituent un réservoir viral qu'il est important de surveiller. Et enfin, The National Academies of Science, Engineering and Medicine a publié hier son rapport décennal, un rapport qui identifie tous les 10 ans les priorités des sciences planétaires. Et tous les 10 ans, ce rapport apporte des recommandations aux agences gouvernementales telles que la NASA qui financent ces projets. Alors, selon ce rapport intitulé Origins, World and Life, pour 2022 à 2023, nous devons nous diriger vers l'exploration d'Uranus. La géante glacée n'a jamais été explorée. Les experts recommandent donc le lancement pour 2030 d'une sonde, l'Uranus Orbiter and Probe. Et deuxième mission de haute priorité, l'étude d'Encelade, la lune de Saturne, avec le lancement d'ici 2040 de l'Encelade Orbilander, une sonde et un atterrisseur, pour étudier son atmosphère et pour collecter sur place des échantillons des panaches de vapeur qui jaillissent à sa surface. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain en direct et en public au Salon du Livre de Paris pour le prochain Journal des Sciences. La recherche sur les systèmes d'intelligence artificielle connaît ces derniers temps une accélération en partie due à une approche innovante d'apprentissage, l'apprentissage auto-supervisé. L'intérêt de cet apprentissage auto-supervisé réside en grande partie dans sa capacité à se passer des humains pour s'entraîner, ce qui signifie un gain de temps et un coût moindre en données. Ce n'est donc pas un hasard si le groupe Meta, anciennement Facebook, annonçait en février 2022 que l'apprentissage auto-supervisé serait un outil clé pour le développement de son métaverse. Nous allons bien entendu parler des perspectives ouvertes par cet apprentissage auto-supervisé tout au long de 7 heures, mais avant cela, on fait un petit bond dans le temps. C'était en 1950 et déjà, on mettait la machine à rude épreuve. Nous assistons maintenant à un concours entre un être humain et une machine équipée d'une intelligence artificielle. La machine doit deviner si la jeune femme avancera un ou deux doigts, tandis que cette dernière essaiera de déjouer ses prédictions. La machine est capable de déterminer la technique de base chez la plupart des joueurs. Certains d'entre eux, après avoir gagné en suivant une certaine combinaison, continueront à l'utiliser jusqu'à ce qu'ils perdent, d'autres changeront leur technique. La machine commence à percevoir la technique de la jeune femme et elle gagne progressivement des points sur elle. Si le joueur s'obstine à suivre la même technique sans jamais changer, la machine le réalise très vite et elle prédira le mouvement du joueur à tous les coups. Voilà cet archive de 1959, Yann Lequin, on peut dire que c'est le rêve originel de toute recherche en intelligence artificielle de faire apprendre la machine et que c'est finalement le fil rouge encore aujourd'hui ? Oui, absolument, bien que il y ait eu des courants de l'intelligence artificielle, particulièrement dans les années 70 et 80, où l'apprentissage n'avait aucun rôle. Depuis les premiers jours, en fait, les premiers articles de Alan Turing, par exemple, où il dit qu'il vaudrait mieux émuler l'esprit d'un enfant plutôt que celui d'un adulte pour lui permettre de se développer grâce à l'apprentissage. Et dans le monde animal, ce qu'on constate, c'est que tout animal qui a un cerveau est capable d'apprendre, même ceux qui n'ont pas de cerveau quelquefois. Mmh. Michel Sebag, on va parler d'apprentissage auto-supervisé dans cette émission, mais avant ça, j'aimerais peut-être qu'on repose un petit peu les termes et les grands termes de notre discussion, puisque quand on parle d'apprentissage automatique ou de machine learning, il y a plusieurs concepts clés qui voit le jour. D'abord, c'est les notions d'apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les distinctions, les grandes distinctions à faire entre ces trois grands types d'apprentissage pour des systèmes d'intelligence artificielle? La première chose, c'est d'avoir des données. Vous acquérez des données. Et dans le cadre de l'apprentissage supervisé, un expert est passé par là qui, à chaque cas, a associé un label. Par exemple, une telle personne est malade, telle personne est en bonne santé. Telle voiture est en panne, telle voiture est en bon état. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Et il y a Yann Lequin en particulier qui considère que ceci ressemble à la croûte d'un gâteau au chocolat et que la partie essentielle du gâteau, la mie à l'intérieur, la brioche à l'intérieur, c'est l'apprentissage non supervisé dans laquelle on a des données sans rien, sans aucun expert qui soit passé par là, un sac de données amorphes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on a une bonne distance, on va essayer d'en faire des groupes. Par exemple, imaginez que vous ayez tous les animaux existants en face de vous. Eh bien, vous allez essayer de faire une typologie. Il y a les mammifères et les ovipares. Il y a, encore plus avant, les vertébrés et les invertébrés. Donc, vous allez créer des catégories, diviser la difficulté pour mieux la comprendre. Et ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Enfin, il y a l'apprentissage par renforcement. Oui, l'apprentissage par renforcement, c'est pour beaucoup ce que fait l'enfant. Mais l'image la plus simple, c'est un robot. Un robot, ce n'est pas qu'on lui donne un bon sac de données et qu'il en fait ce qu'il peut pour apprendre, c'est qu'il doit lui-même aller à la recherche de ces données. Et le problème, c'est que si on n'acquiert pas les bonnes données, les conclusions qu'on en tire peuvent être très très biaisées et conduire à essayer d'acquérir d'autres données qui n'ont pas plus de valeur, et à ce moment-là, on s'enferre. Donc la difficulté de l'apprentissage supervisé, c'est qu'il faut résoudre trois tâches en même temps, avoir un modèle du monde, avoir un modèle qui marche bien, c'est-à-dire typiquement qui vous mène à survivre, si on est dans un cas biologique, ou à avoir des récompenses si on est dans le cas du robot, et puis aller à la recherche de nouvelles données pour être sûr d'être toujours en phase avec un monde qui généralement évolue. Yann Lequin, des compléments d'information sur cette typologie première? Oui, alors l'apprentissage supervisé en fait peut se résumer à une description très simple, c'est-à-dire que on veut par exemple entraîner une machine à distinguer des images d'avion d'images de voiture. On lui montre une image de voiture. On attend la sortie. Si la sortie est voiture, on fait rien. Si la sortie est différente, par exemple avion, table, chaise, on donne à la machine la réponse correcte. On lui dit non, c'est un avion. Et le système s'ajuste ses paramètres internes de manière à faire se rapprocher la sortie de celle qu'on veut. Mmh. Donc c'est un scénario où on donne la réponse correcte à la machine. Et effectivement, comme le disait Michel, il faut des quantités énormes de données, d'images par exemple, des millions d'images qui ont été étiquetées par des personnes qui indiquent s'il y a une table, une chaise, un chien, un chat dedans. Alors ça, c'est pour le supervisé. L'apprentissage non supervisé, on dit à la machine où elle peut savoir elle-même si sa réponse est correcte ou pas, mais on lui donne pas la réponse correcte. Donc s'il y a beaucoup de réponses correctes possibles, la machine va devoir explorer, en fait, essayer un petit peu toutes les réponses jusqu'à trouver celle qui est correcte. Et comme le disait Michel, quelquefois, ça nécessite de prendre plusieurs actions les unes après les autres. Donc par exemple, un cas typique d'utilisation de l'apprentissage par renforcement qui marche bien, c'est entraîner des machines à jouer à des jeux comme les échecs et le go, où la machine joue contre une autre copie d'elle-même, si vous voulez, et puis à la fin, une des deux copies gagne. Donc la copie qui a gagné renforce sa stratégie, puis celle qui n'a pas gagné ne la renforce pas. Donc c'est un peu pour ça qu'on appelle ça par renforcement. Mmh. Mais évidemment, il faut arriver à savoir laquelle des étapes a conduit à la, lesquelles des étapes dans tout le jeu ont conduit à la victoire. Voilà. Parmi ces trois types d'apprentissage-là, quels sont les plus couramment usités aujourd'hui et à quel type d'apprentissage on est aujourd'hui le plus confronté dans notre quotidien, dans nos outils numériques ? Alors, l'écrasante majorité des applications de l'apprentissage automatique aujourd'hui utilisent l'apprentissage supervisé. Une toute petite partie utilise l'apprentissage par renforcement. C'est principalement pour les jeux qui ne sont pas beaucoup utilisés dans les produits, mais aussi pour des choses comme l'ordonnancement des réponses dans un moteur de recherche, des choses comme ça. Et puis de plus en plus, on utilise l'apprentissage auto-supervisé, donc qui est une forme d'apprentissage non supervisé un petit peu différente de ce dont parlait Michel. Et on va y venir bien évidemment dans un instant. Avant cela, j'aimerais peut-être comprendre justement pourquoi, enfin pour en préambule un petit peu à cette description de l'apprentissage auto-supervisé, quels sont les, Michel Sebag, quelles sont les principales limites, les principaux obstacles encore auxquels sont confrontés ces trois types d'apprentissage dont on a parlé, supervisé, non supervisé, par renforcement, et auxquels vont peut-être répondre l'apprentissage auto-supervisé, on le verra tout à l'heure. La première limite, c'est beaucoup de données et beaucoup de supervision, c'est-à-dire d'annotation, soit par un expert, soit par des petites mains qui vont regarder les contenus et dire voici ce que on devrait répondre, voici ce que nous, humains, nous voyons dans une image et donc ce qu'on aimerait qu'une intelligence artificielle trouve. Voilà une limite. Une autre limite, c'est que quand vous mettez beaucoup de données, eh bien, très souvent, vous pouvez obtenir un modèle qui donne non pas la vérité, mais ce qui est le plus plausible. Par exemple, vous pouvez tout à fait obtenir, si vous regardez une des belles réalisations d'intelligence artificielle, qui est associer un titre aux images. Vous pouvez voir que parfois, le titre associé à une image, c'est quelque chose qui colle bien, mais quand vous mettez le nez sur l'image, vous vous rendez compte que, en fait, c'est pas si vrai que ça. Par exemple, l'image, le titre va dire « Il s'agit de gens vendant des légumes sur un marché ». Vous mettez le nez dessus et vous voyez que, en fait, c'est pas du tout des légumes, c'est des fleurs. C'est pas du tout des gens qui vendent, c'est des gens qui achètent, etc. Donc, parfois, on peut avoir le fait qu'on obtient quelque chose de tout à fait comme si c'était intelligent, mais ce n'est pas tout à fait exact. Voilà pour les limites de l'apprentissage supervisé. Pour l'apprentissage par renforcement, comme Yann le dit, vous avez les jeux. Les jeux, c'est absolument super, mais regardez, dans un jeu, vous avez un environnement qui est parfaitement défini. C'est pas que brusquement, sur un échiquier, on va faire intervenir des pions de go. L'univers du jeu d'échecs est défini, on sait ce qu'on a le droit de faire, on sait ce qu'on veut faire, et on n'en sort pas. Si vous imaginez, par exemple, la tâche d'un robot qui est en train d'essayer d'accueillir des enfants dans un musée, vous voyez que là, on n'est pas du tout dans un univers qui est bien cadré. Imaginez que le robot, un enfant décide, par exemple, de bondir dans les bras du robot pour se faire câliner. Il y a beaucoup de chances pour que le robot n'ait pas été préparé à ça. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Et ça fait partie des grands défis. On perçoit bien donc un petit peu ces limites-là et on va en arriver bien sûr, puisque c'est le sujet de notre émission, à l'apprentissage auto-supervisé et à ces limites qu'il vient combler. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On poursuit donc cette émission avec cette notion d'apprentissage auto-supervisé. Yann Lequin, quelle en est l'idée de base et justement dans quelle brèche elle vient s'insérer pour pallier ces lacunes dont on parlait à l'instant ? Alors l'idée de base, c'est de pré-entraîner la machine avec des données qui ne sont pas étiquetées, qui en général sont disponibles en très grande quantité, pour permettre à la machine en fait d'élaborer des représentations des données qu'on peut par la suite utiliser comme entrée en fait d'un système supervisé ou par renforcement. Et grâce à ce pré-entraînement, réduire le nombre d'exemples dont on a besoin pour entraîner la machine à une tâche particulière. Alors cet entraînement auto-supervisé, en fait, n'est pas lié à une tâche définie. C'est un petit peu générique. On entraîne la machine, en fait, à remplir les trous. Mmh. Typiquement, alors c'est utilisé énormément dans le domaine de la compréhension de texte, la langue naturelle, dans la traduction, des choses comme ça. Donc tout ce qui a trait au texte, l'utilisation de l'apprentissage auto-supervisé est devenue complètement standard depuis 3 ans et a conduit à des progrès absolument gigantesques. Donc par exemple, ça consiste à entraîner un système, c'est un grand réseau de neurones artificiels. Voilà, parlons-en de ce système parce qu'on en parle de façon un peu abstraite depuis tout à l'heure. À quoi ressemble ce système apprenant, cette intelligence-là qui va apprendre de façon auto-supervisée? Voilà. Donc tous ces systèmes apprenants, en fait, on appelle ça l'apprentissage profond, le deep learning en anglais. C'est une remise au goût du jour d'un vieil ensemble de techniques qu'on appelait les réseaux de neurones artificiels. Et c'est l'idée de s'inspirer un petit peu de la structure du cerveau. Donc le cerveau est constitué de neurones qui sont connectés les uns aux autres. Les neurones font eux-mêmes une opération très simple. Bien sûr, on schématise beaucoup. Les neurones sont très compliqués en vrai, mais dans les modèles mathématiques qu'on utilise, ces neurones calculent en fait une espèce de somme pondérée de leurs entrées. Une moyenne pondérée, si vous voulez, de leurs entrées. Leurs entrées étant soit des entrées qui viennent de l'extérieur, donc des observations, des pixels d'une image, etc., ou les sorties d'autres neurones auxquels ce neurone est connecté. Et en modifiant ces pondérations dans cette moyenne pondérée, qui sont des coefficients, sont des nombres dans la mémoire de l'ordinateur, on peut changer la fonction de chaque neurone et au total changer la fonction du réseau de neurones. Alors les réseaux de neurones sont constitués souvent de milliers, de millions, même de milliards de neurones et de quelquefois de centaines de milliards d'interconnexions entre ces neurones pour les plus gros. Et ils sont organisés en couches successives, c'est-à-dire que la première couche regarde l'entrée, et puis la deuxième couche regarde les neurones de la première couche, la troisième couche, la deuxième couche, etc. On les empile, et c'est pour ça que ça s'appelle l'apprentissage profond, c'est aussi simple que ça. Et ce qu'on arrive à faire, en fait, c'est calculer de quelle manière et de combien changer chacun de ces coefficients, dans toutes ces sommes pondérées, de manière à ce que la sortie se rapproche de celle qu'on veut dans l'apprentissage supervisé ou même dans l'apprentissage par renforcement ou non supervisé. Alors, ces techniques ont fait d'énormes progrès ces 10 dernières années. Elles ont commencé à vraiment bien marcher il y a un peu plus de 10 ans, une douzaine d'années, disons, dans le domaine de la reconnaissance de la parole, reconnaissance d'image, la compréhension de la langue naturelle, la traduction, et puis pour la reconnaissance d'image, ça veut dire aussi l'analyse d'images médicales, ce genre de choses, les voitures autonomes, toutes les voitures qui sortent maintenant ont un système d'assistance à la conduite qui permet guidage, même on peut se garer grâce à une intelligence artificielle. Voilà, un créneau compliqué. On peut faire un créneau compliqué, on peut se mettre en conduite automatique sur l'autoroute, et puis si un obstacle surgit devant la voiture freine automatiquement. Donc tout ça, ça utilise ces réseaux de neurones artificiels, ça utilise même une architecture que j'ai inventée qui s'appelle les réseaux convolutifs. Et c'est devenu un petit peu utilisé un peu partout, mais très principalement dans le cadre, enfin ils sont entraînés avec l'apprentissage supervisé jusqu'à présent. Alors pour l'apprentissage non supervisé, je vais le décrire dans le cas de texte parce que c'est ça qui marche le mieux pour l'instant. On prend un texte qui est donc une séquence de mots. Ces séquences de mots sont représentées en fait par des listes de nombres. Chaque mot est une espèce de liste de nombres. Et on rentre ça dans un très gros réseau de neurones qui s'appelle un transformer en général. Mais avant de faire ça, on enlève certains mots de la phrase. Si on les masque, on les remplace par un marqueur blanc. Et on entraîne le système à prédire les mots qui manquent. Donc si je dis le chat chasse la blanc dans la cuisine, c'est probablement une souris ou quelque chose comme ça. Si je dis le blanc chasse le blanc dans la savane, ou la blanche dans la savane, ça va être une gazelle et un lion ou quelque chose comme ça. Bon, une antilope. On peut susciter plusieurs mots. On ne sait pas exactement quel mot va venir là, mais on peut entraîner la machine à prédire une espèce de distribution de probabilité sur tous les mots possibles du dictionnaire. Il va nous dire c'est une gazelle avec probabilité 0,2 et puis un zèbre avec probabilité 0,25, etc. Et à ce faisant, en fait, le système finit par acquérir une certaine compréhension de la réalité sous-jacente. Alors qu'il est un peu superficiel, c'est-à-dire ces systèmes, il y a des tas de choses qu'ils comprennent pas, ils peuvent faire des bêtises, dire des bêtises assez facilement. Mais ce faisant, ils arrivent à élaborer une représentation du sens du texte sous forme d'une liste de nombres. Et qui peut être maintenant utilisé pour détecter, par exemple, est-ce que ce texte contient un discours haineux ? Est-ce qu'on doit le supprimer d'un réseau social parce que quelqu'un est en train d'insulter quelqu'un d'autre ou de tenir des propos racistes, des choses comme ça ? Donc c'est absolument crucial pour la modération. Après, alors là on parle de texte, ça pourrait être effectivement le cas encore. On verra que c'est plus compliqué avec les images, mais que ça pourrait être aussi le cas pour des images très violentes auxquelles sont soumis souvent des modérateurs qui sont obligés de se fader ça à longueur de journée. Ça a un impact psychologique important. Oui. Revenons-en au texte, pardon, et à la modération en tout cas de ces textes-là. Voilà. Alors ce qu'on est capable de faire en ce moment, qui est assez extraordinaire, c'est que on peut entraîner ces systèmes avec des données qui sont multilingues, c'est-à-dire des textes qui ne sont pas simplement en français ou en anglais, en allemand, etc., mais des textes dans n'importe quelle langue. Et le système va élaborer une représentation du sens du texte indépendamment de la langue. Et ensuite, on va pouvoir aussi, si on veut faire la traduction, par exemple, avoir un décodeur qui produit un nouveau texte qui représente le sens qui a été extrait. Dans n'importe quelle langue. Mmh. Donc, on arrive maintenant à construire des systèmes de traduction qui peuvent traduire environ 200 langues, de n'importe quelle de ces 200 langues, dans n'importe quelle de ces 200 langues, ce qui est absolument extraordinaire, enfin, c'est surhumain. Bon, évidemment, c'est pas des grands littéraires, mais... Non, et puis, quelquefois, ils font des contresens, et puis ils connaissent pas les tournures idiomatiques, etc. Mais les progrès sont... Enfin, phénoménaux dans le domaine de la traduction depuis quelques années. Absolument, voilà. Oui. Et avec toujours à cette, là, ce qui est impressionnant, c'est la conservation du sens, la conservation du style, et vraiment, ça, c'est assez phénoménal. C'était une petite remarque au passage. Je vous laisse poursuivre, pardon. Oui, donc, d'énormes progrès qui permettent maintenant aussi de réduire le nombre de données étiquetées dont on a besoin. Donc, dans le passé, par exemple, il aurait fallu avoir des milliers, sinon des millions de phrases parallèles en anglais et en français, par exemple, pour pouvoir traduire de l'un à l'autre. Comment pourrions-nous traduire, une langue rare du fin fond de l'Afrique en un dialecte rare du fin fond de l'Inde? Mmh. On n'a pas de données parallèles pour ça. Et ce que permettent ces systèmes multilingues, en fait, c'est d'entraîner avec relativement peu de données et des données qui sont monolingues, donc simplement du texte dans une langue, d'entraîner le système à représenter le sens du texte. Et ce qui veut dire qu'à partir de ça, avec très très peu de données dans chacune des langues, des données parallèles, on peut produire un système de traduction qui marche dans ces 200, 300 langues. C'est-à-dire que si on résume un petit peu ce travail d'entraînement via l'apprentissage autosupervisé, quelle en est la principale caractéristique et le principal avantage ? Principale caractéristique et l'avantage, c'est qu'on réduit la quantité de données nécessaires pour entraîner un système, soit à reconnaître des images, soit à comprendre un texte, soit à traduire un texte, soit à détecter des tumeurs dans les images. Donc par exemple, pour l'imagerie médicale, en général, on a beaucoup d'images où il n'y a rien d'intéressant, heureusement, les gens en bonne santé, et puis un petit nombre d'images dans lesquelles il y a, dans une mammographie, une tumeur dans un sein. Et il faut pouvoir avoir un système qui apprend à représenter les images indépendamment du contenu, et puis ensuite l'entraîner avec très peu de données pour détecter les tumeurs ou quoi que ce soit qu'on veuille détecter. Et on y viendra bien évidemment à ces multiples champs d'application qui s'ouvrent à l'apprentissage autosupervisé tout à l'heure, notamment en commençant par le reportage. Mais avant cela, avant de continuer cette conversation, on va, comme chaque mercredi, retrouver la recherche contre main. Une recherche avec aujourd'hui Aurélien Gauffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse sous la direction de Massi-Reza Amini au laboratoire d'informatique de Grenoble, décidément laboratoire affilié au CNRS, à INRIA, à Grenoble INP et à l'université Grenoble-Alpes. Cette thèse s'intitule « Apprentissage autosupervisé multi-cible pour la recherche automatique d'architecture neuronale ». Dites-nous tout, c'est à vous. Bonjour, alors je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, le sujet de ma thèse porte sur l'apprentissage autosupervisé, donc ce dont nous parlons aujourd'hui, pour la recherche automatique d'architecture neuronale. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, je vais commencer par reparler rapidement de ces réseaux de neurones artificiels. Donc, ces architectures sont constituées d'une multitude de couches, que l'on va ici assimiler à des briques de Lego, que l'on assemble les unes aux autres. Si jamais on ouvrait par curiosité une de ces briques pour voir ce qu'il y avait dedans, on trouverait alors des neurones artificiels, qui sont en réalité des fonctions mathématiques très simples, reliées entre elles par des connexions pondérées dont nous parlait Yann Lequin tout à l'heure. Mais revenons à un niveau plus macroscopique, à nos briques. qui peuvent être de taille et de nature très différentes. En effet, certaines sont particulièrement adaptées pour traiter des images, d'autres plutôt des données séquentielles, comme de la parole. On peut donc finalement voir un réseau de neurones comme un empilement de briques de toutes sortes. Un problème très intéressant se pose alors. Comment choisir et assembler ces briques pour obtenir le réseau de neurones le plus performant pour une tâche donnée? Donc, il faut savoir que la majorité des réseaux de neurones utilisés jusqu'à maintenant a été conçu à la main par des experts du domaine, ce qui requiert à la fois du temps et surtout des connaissances très pointues des données et de la tâche à effectuer. C'est donc là qu'intervient la recherche automatique d'architecture neuronale. Le but est d'essayer d'automatiser cette tâche en formulant la recherche d'architecture comme un problème d'optimisation mathématique. Maintenant que l'on sait ce que c'est la recherche automatique d'architecture neuronale, j'aimerais vous donner un exemple très concret d'apprentissage autosupervisé, appliqué ici à des images. Donc mettons que l'on dispose d'un jeu de données composé de radiographies, dont on parlait tout à l'heure. Les entrées de notre réseau de neurones sont donc des images. Pour chaque image, une étiquette nous indique si oui ou non des cellules cancéreuses sont présentes sur l'image. Une fois notre réseau entraîné correctement avec ces données, on espère qu'il sera capable de prédire la présence de cellules cancéreuses sur des nouvelles images d'entrée, sans étiquette disponible cette fois. Ici, on est typiquement dans un cas où ces étiquettes peuvent être coûteuses à obtenir, puisque cela requiert, dans notre cas, l'expertise d'un radiologue pour annoter à la main ces images, surtout que l'entraînement d'un réseau de neurones nécessite souvent au moins des dizaines ou des centaines de milliers d'images. Comment utiliser alors ici l'apprentissage auto-supervisé? Eh bien, il suffit par exemple d'altérer les données d'apprentissage et d'entraîner le modèle à prédire quelles altérations ont été appliquées à ces données. Alors, pour que cela soit plus clair, prenons à nouveau un nouvel exemple simple. Munissez-vous d'une radiographie et d'une paire de ciseaux. Découpons notre radiographie en suivant les lignes d'un damier 3 par 3 pour obtenir 9 carrés égaux. Mélangez ces morceaux obtenus et on obtient alors un puzzle. Pour le résoudre, il suffit de trouver comment permuter ces 9 pièces pour retrouver l'image originale. L'idée est alors d'entraîner notre réseau de neurones à faire cette tâche sur toutes les radiographies non annotées. La question que l'on peut alors se poser est donc, quel est le rapport entre résoudre des puzzles et détecter des cancers? Eh bien en réalité, comme Yann Lequin nous l'expliquait tout à l'heure, pour résoudre ce puzzle, le réseau de neurones doit acquérir certaines connaissances sur la structure intrinsèque des images d'entrée, qui lui seront très utiles par la suite pour la détection des cellules cancéreuses. Par exemple, en utilisant les techniques les plus récentes d'apprentissage auto-supervisé, appliquées à des mammographies, des chercheurs ont montré le mois dernier qu'on pouvait diviser par deux l'erreur de prédiction de tumeurs malignes du sein. Alors, ils ont utilisé des tâches un petit peu plus compliquées que résoudre un puzzle, mais l'idée est fondamentalement la même. Alors, quel est le rapport de l'apprentissage auto-supervisé avec la recherche automatique d'architecture neuronale? C'est justement à travers ma thèse que je souhaite explorer le lien entre ces deux thématiques. Je cherche, à savoir comment trouver des architectures performantes avec très peu, voire même aucune donnée annotée, à l'aide de l'apprentissage auto-supervisé. Mon but est dans un premier temps de développer un outil pour trouver automatiquement quelles tâches seraient là ou les plus adaptées pour apprendre conjointement avec la tâche principale. Voilà le problème qui va m'occuper ces prochaines années. On vous souhaite beaucoup de courage pour résoudre ce problème. Une réaction, Michel Sebag, à ce travail de thèse, à cette présentation? Oui, le fait de trouver l'architecture des réseaux neuronaux, c'est une tâche de salubrité publique absolument, étant donné les ressources qui sont énormes, qui sont nécessaires pour résoudre ce problème d'optimisation. Je voudrais aussi revenir sur un point qui relie l'apprentissage autosupervisé et ce qu'ont dit Yann Lequin et Aurélien Gauffre. Aurélien, oui. Avec la méthode scientifique, quelque chose que nous savons depuis les petites classes, je dirais, c'est que un problème qui est bien représenté est plus qu'à moitié résolu. Et le point essentiel, c'est effectivement de trouver une bonne représentation. L'apprentissage auto-supervisé est une des manières de trouver une bonne représentation. Parce que elle procède en permettant à la machine de faire une différence entre les données réelles, c'est pour de vrai, et du n'importe quoi. Par exemple, quand Aurélien parlait de permuter les bouts d'une radiographie, il est certain que ce qu'on obtient, c'est clairement quelque chose que même un enfant de 7 ans dirait, c'est très curieux quand même. Ça n'a pas de, ça, c'est pas comme ça que c'est d'habitude. Et donc, on revient à la question qui est que dans ce que nous voyons, dans nos exemples, il y a une structure. Ce n'est pas du n'importe quoi. Et on demande à la machine de faire la différence entre les vraies données et le n'importe quoi qui, en général, a été typiquement manipulé par un expert qui connaît bien la structure. Okay, les lésions qu'on applique aux données initiales vont rendre le problème de l'apprentissage supervisé plus ou moins difficile, plus ou moins soluble et plus ou moins fructueux en termes de la qualité de la représentation qu'on en extrait. Il y a une réaction à ce propos et puis à la présentation d'Aurélien Gauffre. Oui, alors effectivement, la recherche d'architecture est un problème important. Beaucoup de grosses entreprises travaillent là-dessus, pas forcément dans le contexte de l'apprentissage autosupervisé, mais permettre de le faire automatiquement permettrait en fait de démocratiser d'une certaine manière l'utilisation de ces systèmes de deep learning par des ingénieurs ou des gens qui n'ont pas particulièrement l'expertise pour pouvoir le faire. On appelle ça auto-ML. Enfin, il y a toute une industrie autour de ça un petit peu. Donc, effectivement, ça peut résulter dans des choses très intéressantes qui permettraient d'étendre l'applicabilité de ces choses-là. Et sur ce que disait Michel à l'instant, effectivement, l'apprentissage auto-supervisé essaie de découvrir la structure interne des données, sa cohérence interne. Donc, par exemple, on prend une image, on bloque une moitié de l'image, puis on monte, donc c'est un petit peu une version un peu différente de l'exemple dont parlait Aurélien. On montre la moitié de l'image qu'on a bloquée, le système peut détecter que c'est la bonne moitié, et puis on montre une autre moitié d'une autre image, et est-ce que le système va être capable de détecter qu'elles ne sont pas cohérentes? Une version un petit peu plus compliquée que ça, qui serait en fait très utile si on savait le faire, on ne sait pas encore très bien le faire, il y a beaucoup de travaux là-dessus, c'est faire la prédiction vidéo, c'est-à-dire voilà un segment vidéo, voilà un autre segment vidéo, est-ce que le deuxième segment vidéo est une bonne continuation du premier? Alors bien sûr, il y a plein de manières possibles de continuer un segment vidéo particulier. S'il y a des objets qui bougent, des gens qui bougent, il peut faire tout un tas de gestes qui sont un petit peu difficilement prévisibles. Mais ça, c'est un problème qui est crucialement important si on veut permettre aux machines d'être capables d'imaginer ce qui va se passer dans le futur et de planifier des actions, par exemple une voiture autonome, des choses comme ça. Et bien justement, ces applications, mais aussi ces problèmes à résoudre, notamment vis-à-vis de l'image et de la vidéo en matière d'apprentissage autosupervisé, on va y venir dans un instant, ce sera juste après ça. Computer world. Computer World par Kraftwerk dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'apprentissage auto-supervisé. Nous en parlons avec Michèle Sebag, directrice de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique et membre de l'Académie des technologies de Paris. Nous sommes également avec Yann Lequin, professeur à la New York University, scientifique en chef chargé de l'intelligence artificielle chez Meta. On en arrive à présent au sujet du reportage du jour avec un exemple concret d'utilisation de l'apprentissage auto-supervisé dans le traitement d'images médicales. Bonjour Alexandra Delbeau. Bonjour Antoine. Vous êtes, pour ce reportage, rendu au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Oui, j'ai rencontré Nicolas Thom, professeur des universités dans le laboratoire Cédric, le centre d'études et de recherche en informatique et communication. Il travaille sur la segmentation d'images médicales, c'est-à-dire le fait, par exemple, de pouvoir détourer certains organes, foie, rein, pancréas, sur des images de scanner. Et jusqu'ici, ces annotations étaient uniquement manuelles, c'est-à-dire faites par de vrais êtres humains. Il a donc développé un modèle d'apprentissage auto-supervisé avec un grand volume d'images partiellement annotées. Par exemple, une image avec laquelle il n'y avait que le rein et une autre où il n'y avait que le foie, pour que celui-ci apprenne par lui-même à étiqueter l'ensemble des données avec toutes les annotations d'organes à la bonne place. La segmentation d'images médicales en général, ça consiste à assigner une étiquette sur chacun des pixels ou chacun des voxels d'une image médicale. Donc par exemple, identifier qu'on a ici un voxel du foie. Et ça, c'est très important de faire ça de manière automatique parce qu'on a de gros volumes de données médicales et les humains, les experts, les médecins en particulier, peuvent pas annoter toutes les données à la main. Et donc on veut mettre en place des algorithmes automatiques pour résoudre ce problème-là, pour accomplir cette tâche-là. Et là, dans les travaux dont je vais parler, ça s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec une start-up qui était initialement une start-up, qui est maintenant une société, qui est la société Visible Patient, qui était adossée à l'IRCAD, qui est l'Institut de Recherche pour le Cancer de l'Appareil Digestif à Strasbourg. Donc cette société, elle a pour objectif de produire des segmentations de manière automatique pour préparer des opérations. Et donc de produire à la main ces masques de segmentation. Et tout le modèle économique de développement de cette société, c'est de pouvoir automatiser ce processus. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé avec eux pour améliorer leurs algorithmes de segmentation automatique. Donc là, justement, dans ce contexte-là, on est parti des données produites par la société Visible Patient, qui, elle, avait un historique d'une quinzaine d'années sur des préparations d'opérations. Des experts médicaux, enfin la société en l'occurrence, mais ça avait été vérifié par des experts médicaux, qui disposaient de segmentations manuelles pour un certain nombre d'organes, mais pas pour tous les organes, pour le foie par exemple sur un certain nombre de volumes, pour le rein sur d'autres volumes. Et donc là, l'objectif de ces travaux, ça a été de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir exploiter cette grande quantité d'informations pour pouvoir réétiqueter toutes les données avec les bons labels et pour pouvoir avoir une annotation qui soit complète. Et donc ça pose des défis d'un point de vue de l'apprentissage, puisqu'on se ramène à un problème où on a des annotations justement qui sont incomplètes et qu'il faut savoir traiter avec les modèles d'apprentissage statistique qu'on développe. Et comment fonctionne le modèle? Comment est-ce que vous avez créé le modèle d'apprentissage? Alors pour faire ça, on s'est justement dirigé, orienté vers des travaux qu'on appelle d'auto-supervision, où le modèle va chercher à réannoter automatiquement un certain nombre d'organes qui sont manquants dans les images médicales. Donc par exemple, on va partir ici de notre annotation qui est partielle, donc par exemple d'un volume où on n'aurait que le foie, dans un volume médical, mais où on n'aurait pas la rate, les reins, l'estomac, etc. Donc on imagine qu'on a ce scanner avec le foie annoté. On va se servir de ce scanner où on a le foie annoté et d'autres scanners où on aurait d'autres organes, par exemple uniquement le rein sur un autre scanner. Et on va entraîner un premier modèle qui va apprendre à détecter le rein et le foie sur un certain nombre d'organes. Et ensuite, on va chercher à effectuer des prédictions automatiques par le modèle sur certains pixels de l'image où le modèle va nous dire « Ah, dans cette zone, je pense qu'il y a le rein, le pancréas ou d'autres organes ». Et on va sélectionner les zones les plus confiantes, selon certains critères, pour produire des nouvelles annotations, des nouvelles étiquettes. Et on va rentrer dans un nouveau cycle d'entraînement. Le modèle va être à nouveau réentraîné à partir de ces labels automatiques. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on parle d'auto-supervision. On va avoir des labels enrichis qui vont permettre d'entraîner une nouvelle fois le modèle, de sorte à prédire un modèle plus performant qui va à nouveau permettre de reprédire des nouvelles étiquettes manquantes. Et donc ça va être un cercle un peu vertueux où le modèle va s'enrichir lui-même pour pouvoir produire des annotations de plus en plus complètes. Un résultat intéressant qu'on a pu montrer, en particulier, c'est qu'avec ce type de stratégie, on était capable d'avoir des performances équivalentes à un modèle qui serait entraîné avec l'ensemble des étiquettes complètes. Donc si on avait toutes les étiquettes complètes qu'on n'a pas en pratique, mais qui donnent un peu une borne supérieure aux performances qu'on pourrait atteindre avec l'ensemble des étiquettes, avec seulement 30% des labels. Donc on a fait ça en simulant des étiquettes manquantes. Si on supprime 70% des étiquettes avec notre technique qui vise à les reproduire de manière automatique, on arrive à atteindre des performances qui sont équivalentes à un modèle appris avec toutes les étiquettes. Et quelles sont les perspectives et les poursuites de ces travaux-là? Alors, dans ces travaux-là, une des perspectives serait d'améliorer la façon dont on produit les étiquettes confiantes, d'avoir de meilleures quantifications d'incertitude pour produire les étiquettes qui sont confiantes. Et puis, par ailleurs, c'est une méthode d'apprentissage qu'on pourrait combiner à beaucoup d'autres techniques d'apprentissage ici semi-supervisées, parce qu'on se ramène à un problème un petit peu semi-supervisé où on a un ensemble de données où on a des étiquettes et un ensemble de données où on n'a pas d'étiquettes. Donc on pourrait combiner cette approche à d'autres approches semi-supervisées. Et en particulier, l'autre volet des méthodes dites auto-supervisées vise à apprendre des méthodes dans un contexte non supervisé, mais où on convertit de manière automatique des données qui sont non étiquetées en des données qui sont étiquetées. Et donc tout l'autre volet des méthodes auto-supervisées aurait pu, il pourrait, dans le cadre de ces perspectives, être combiné à l'approche qu'on a menée ici. Voilà pour ce reportage au Conservatoire des Arts et Métiers. Yann Lequin, une réaction à ce que vous venez d'entendre et à ces travaux, plus dans le domaine médical qu'on avait déjà un petit peu évoqué avant? Oui, le domaine médical, bien sûr, est un des domaines dans lequel on peut espérer des applications qui sont très profitables à l'humanité, hein, un peu comme les systèmes de sécurité dans les voitures qui permettent de sauver des vies. Ce qu'on a entendu là, c'est en fait ce qu'on constate, c'est qu'il y a une espèce de spectre un petit peu continu entre l'apprentissage supervisé d'un côté, l'apprentissage auto-supervisé ou non supervisé de l'autre côté, avec l'apprentissage faiblement supervisé, l'apprentissage semi-supervisé. Oui, on l'entendait. Il y a plein de petites nuances. Voilà, il y a plein de petites nuances. Donc ce qu'on entendait là, c'est plutôt l'apprentissage semi-supervisé dans lequel une partie des données est étiquetée et puis on utilise ça pour essayer de deviner un petit peu les étiquettes qui sont sur les données qui ne sont pas étiquetées. Donc ça, c'est typiquement l'apprentissage semi-supervisé. La forme la plus extrême, si vous voulez, l'apprentissage auto-supervisé, on n'a pas du tout d'étiquette. Donc un scénario typique pour la représentation, l'entraînement de systèmes de reconnaissance d'image, c'est on prend une image, par exemple, je sais pas, une image d'un chien ou d'un chat. Et on la transforme un petit peu, on la grandit, on la fait tourner, on change les couleurs, etc. On la floute, enfin bon, on la triture un petit peu. Et puis ensuite, on met les deux images, l'original et celle qui est un petit peu modifiée, on les fait rentrer dans deux réseaux de neurones identiques, et on dit aux réseaux de neurones, les sorties qui vont représenter que tu vas calculer pour représenter ces deux images doivent être identiques parce que les transformations qu'on a fait subir à l'image en fait ne changent pas son contenu. Tu vas calculer une représentation pour cette image, la représentation doit être la même pour ces deux images qui sont des transformations l'une de l'autre. Et donc ça c'est très bien parce que on peut faire ça avec des milliards d'images parce qu'on a accès à des données voilà, d'images, qui sont sur Internet. Ne serait-ce que sur Instagram, un milliard d'images, ça représente peut-être quelques heures d'Instagram. Donc, ces données sont disponibles en nombre absolument gigantesque. Et il est très facile de prendre une image et de faire une petite distorsion et puis d'entraîner le système pour produire une représentation de l'image qui ne change pas. On dit qu'elle est invariante vis-à-vis de ces transformations. Et ce faisant, le système apprend en fait à représenter les images en éliminant ces détails qui ne sont pas importants et en gardant ce qui fait la substance en fait de l'image. Donc si ensuite on prend ces représentations calculées par ce réseau de neurones entraînées de manière auto-supervisée et on la rentre dans un système qui est maintenant supervisé, on peut entraîner le système à reconnaître par exemple un éléphant avec deux exemples d'images d'éléphants. On en arrive vraiment à cet avantage majeur de l'apprentissage auto-supervisé, c'est voilà. Ce côté économe, enfin très économique en traitement de données et en données mobilisées. Exactement. Et on constate même que ce qui est assez curieux, c'est que si on fait du pré-entraînement auto-supervisé sur des images, sur des photos, et ensuite qu'on spécialise le système pour faire l'identification par exemple de tumeurs dans des images médicales, ça améliore la performance par rapport à un système d'identification de tumeur qui serait entraîné de manière complètement supervisée. Mmh. Et donc il y a une espèce de transfert en fait qui fait que les images, quelles qu'elles soient, en fait, ont des propriétés qui sont toutes un petit peu les mêmes et l'apprentissage auto-supervisé les capture. Michel Sebag, donc là on a entendu parler des avantages de cet apprentissage auto-supervisé dans le domaine médical qui s'approche de plus en plus de ces systèmes d'intelligence artificielle et qui a de plus en plus recours à ces systèmes-là. Est-ce que vous voyez d'autres domaines d'application d'apprentissage auto-supervisé qui pourraient naître, qui sont en train de naître ou qui sont en tout cas le futur un petit peu de ce recours à l'apprentissage auto-supervisé? Par exemple, dans le traitement de séries temporelles, il y a une application simple du principe d'auto-superviser. Vous avez une série, pensez par exemple à un électrocardiogramme, donc juste une courbe, ok, que bien entendu l'expert sait lire, mais pas tout le monde. Imaginez que vous décidiez d'entraîner un classifieur, donc on est en apprentissage supervisé, qui fasse la différence entre les vraies données et des données qui sont un petit peu massacrées, dans lesquelles vous avez mis bout à bout des segments de votre des parties de votre électrocardiogramme qui ne sont pas côte à côte. Donc là, vous voyez l'économie. Elle n'est pas tant au niveau des données, parce que vous avez toujours des électrocardiogrammes. Elle est au niveau du savoir qu'il faut pour étiqueter. Dans le cas supervisé normal, vous avez besoin d'une expertise profonde pour savoir que ceci correspond à telle ou telle maladie. Dans le cas de l'auto-supervisé, vous avez juste besoin de savoir ce que les vraies données ne sont pas et comment les massacrer un petit peu, de façon à ce qu'on puisse les reconnaître, les discriminer des vraies données. Dans un cas comme ça, ce que l'apprentissage auto-supervisé va apprendre, c'est une bonne représentation de la courbe qui correspond à l'électrocardiogramme. Donc ici, vous avez encore une application en médecine, mais vous voyez, vous pouvez appliquer le même principe à tout ce qui est, par exemple, surveillance de machines, où vous avez même si le rapprochement n'est pas heureux, où vous avez des courbes qui décrivent le comportement d'un phénomène. Le comportement a une logique locale. Et si vous vous mettez à faire, disons, à battre les cartes, en raboutant des petits bouts qui n'ont rien à voir, eh bien, vous brisez la cohérence, vous brisez la structure. Et ce que l'apprentissage supervisé est maintenant capable de faire, du moins c'est son but, c'est d'arriver à représenter la structure dans les données. Et vous ne la connaissez pas. Vous savez simplement que si vous massacrez les données comme ci ou comme ça, vous brisez la structure. Finalement, Yann Lequin, on en arrive à ce que vous disiez. J'ai lu ça dans un entretien que vous avez accordé. Le but de l'apprentissage auto-supervisé, c'est d'accorder à l'intelligence artificielle enfin un peu de bon sens. Est-ce que c'est... Et vous qualifiez même aussi, je crois, l'apprentissage auto-supervisé de matière noire de l'intelligence. Expliquez-nous un petit peu ces nuances-là. Et là, on comprend bien, en fait, finalement, que c'est vraiment... On en revient à notre point de départ. Ça comble des trous, ça bouge des trous. Et ça répond quand même à des questions d'envergure, aussi bien dans le domaine médical que là, on perçoit les enjeux, notamment en matière de sécurité industrielle, ce genre de choses. Oui, alors la matière noire, c'est une espèce de blague pour se moquer un petit peu de nos collègues physiciens dans lequel la grande partie de la masse de l'univers qui est donc la matière noire est constituée de choses qu'on ne connaît pas, on n'a aucune idée ce que c'est. Alors on a un petit peu le même problème embarrassant dans l'intelligence artificielle, c'est que on sait faire l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage supervisé. L'apprentissage auto-supervisé, on ne fait que commencer. Et ça constitue, à mon avis, le mode d'apprentissage principal qu'on observerait, par exemple, chez les animaux et les humains. Mmh. C'est-à-dire que les enfants, les bébés qui viennent de naître dans les premiers mois de la vie apprennent comment fonctionne le monde, essentiellement par observation, aussi par interaction, bien sûr, après quelques mois en tout cas, et accumulent une quantité de connaissances sur le fonctionnement du monde absolument gigantesque. Et on voudrait bien pouvoir faire en sorte que les machines apprennent aussi comment fonctionne le monde. Exponentielle, un petit peu. Tout à fait, oui. Donc, comment faire en sorte que les machines puissent apprendre comment fonctionne le monde par observation, à la manière des enfants, et accumulent suffisamment de connaissances de base pour qu'un espèce de sens commun émerge, si vous voulez. Par exemple, les bébés apprennent la notion de gravité, le fait qu'un objet qui n'est pas supporté va tomber, vers l'âge de 9 mois. Ça donne souvent lieu à des moments assez lassants pour assez les parents. Assez lassants, oui, parce qu'ils jettent les objets par terre pour bien vérifier que la loi de la gravité existe. Donc c'est assez amusant. Donc on voudrait bien que les machines puissent apprendre la physique intuitive, ce qu'on appelle la physique intuitive. La raison pour laquelle on voudrait bien ça, c'est que, comme vous pouvez le constater pour l'instant, on n'a toujours pas de voiture autonome qui se conduise vraiment tout seul. Enfin, elles peuvent nous conduire sur l'autoroute, mais pas plus. Et en fait, ce dont on aurait besoin, qu'est-ce qui fait que un adolescent est capable d'apprendre à conduire en quelques heures, une dizaine d'heures ou une vingtaine d'heures d'entraînement, alors que avec toutes nos techniques d'apprentissage, d'imitation, supervisée, par renforcement, etc., pour l'instant, ça fonctionne toujours pas au même niveau. Et ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, un adolescent a une compréhension du monde qui fait que s'il conduit à côté d'une falaise et qu'il tourne le volant, il sait que la voiture va tomber dans la falaise, il n'a pas besoin d'essayer. Il a une expérience. L'expérience de la physique, une connaissance du monde, en fait, qui lui permet d'apprendre d'abord très rapidement, avec très peu d'essais, et puis par ailleurs de pas se tuer trop souvent dans l'exercice. Donc c'est vraiment crucial, en fait, si on veut faire des progrès disons, passer le cap suivant dans les progrès de l'intelligence artificielle, avoir des voitures complètement autonomes, des robots domestiques, des assistants virtuels qui nous aident dans la vie de tous les jours, qui peuvent répondre à n'importe quelle question. Ces machines devront acquérir un certain sens commun. Et à mon avis, ça passe par une amplification ou des progrès dans l'apprentissage autosupervisé. Michel Sebag, à ce propos, et pour conclure l'émission, puisqu'il nous reste bientôt deux petites minutes. Oui, ce que nous voudrions, c'est bien ça. Mais le... Je suis pas sûre que la comparaison avec les enfants soit, elle est légèrement désespérante. Vous savez, quand vous expliquez l'intelligence artificielle à des gens, vous avez la réaction claire, fréquente, qui est de dire, enfin, c'est quand même idiot, vous avez besoin de millions d'images de chiens et de chats, mais ma petite fille ou mon petit-fils, une fois qu'il a vu trois images du chat, il est capable de dire, ça, c'est un chat. Et donc la question, c'est est-ce que c'est vraiment licite de comparer une intelligence artificielle à un être humain? Vous voyez, on fait un petit peu malgré tout comme si les enfants ont des capacités admirables, mais il faut pas oublier quand même que si les enfants sont élevés par des loups, okay, c'est-à-dire s'ils sont élevés loin de toute influence sociale, de parents et de toute cette sorte de choses, eh bien, les performances sont beaucoup moins bien. Donc, je pense que le bon élément de comparaison d'une IA, c'est pas un enfant ou un être humain, parce qu'on devrait comparer, mais oui, c'est l'humanité elle-même. Et regardez, l'humanité a eu un certain temps pour faire des essais-erreurs. Un certain temps, oui, plus de 200 000 ans. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Michel Sebag, Yann Lequin, et merci Aurélien Goff de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un erratum, nous ne serons pas en direct du Festival du Livre qui ne double erratum, puisque ça ne s'appelle plus le Salon du Livre. Le Festival du Livre aura bien lieu vendredi et nous vous y retrouverons nombreux et en public. Merci en tout cas de nous y rejoindre. Un grand merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Amel Boucherka, Eve-Étienne Alexandra Delbo, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.